Au comptoir d'un thé des bains, de l'or partout comme un Trinidad. L'art de la guerre et de trépas coule dans les veines de la brigade. Tu crois que je dérive, mais c'est toi qui divagues. Ah si j'étais riche, prends ton calache et on y va. Je dévrais, je déloue et bague. Que des rats de vidéo les gars. Dans mes bureaux de style, on ne fait plus de style. On ne fait que du design de fusillade. De la coke dans le fuselage. J't'envoie au coup pour des pucelages. C'est ta rondelle qui te lâche. Baisse le rap game dès mon plus jeune âge. J'en ai connu des plus tenaces. Pas jusqu'au bout si tu menaces. Oh, c'est tout ce que je sais. C'est tout au noir, c'est tout ce que je sais. Oui, oui, c'est toujours beaucoup de boulot. Là où ça appauvrit le cœur, dès que tu mets les pieds dedans. Mais au final, qu'est-ce qu'un cœur? Ça fait juste circuler le sang. Calibré, mais je suis court. Toi, je qualifie dans le pas de tournoi. La direction, c'est toujours tout. Trois, y'a pas de mais, y'a pas de pourquoi. Je ne suis que le top single. Et le cours de l'euro, avec le cul qu'elle intéresse, elle a gardé le haut. Elle voulait que je change mes habitudes, du coup j'ai changé le go. Ça m'étonnerait qu'elle encaisse, elle va bomber le dos. Si je cédais, c'est qu'ils m'ont au moins brisé le côte. Personne m'a aidé, dès que j'ai pu, j'ai aidé les autres. Demain c'est loin, sur mon terrain. Y'a personne pour siffler les fautes.